Cours numéro 43. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم السخاء وترك البخل. Le 42e chapitre, c'est sur الحث على لزوم السخاء. السخاء, c'est le fait de donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. كما جاء في الحديث أنفق هكذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنفق عليك أي si tu donnes je te donnerai. السخاء c'est un comportement très très noble. وترك البخل c'est le contraire, c'est l'avarice. قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. تأمل pourquoi الله سبحانه وتعالى il a cité à la fin de ce verset sur l'avarice, il a mis en garde عز وجل contre l'avarice, et il a cité ses noms à la fin, الغني. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui possède tout. قال وأنتم الفقراء, il est humain, il est pauvre. Même s'il possède, enfin ce qu'il possède, ça appartient à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné aux ibad. Il a donné à certains beaucoup, il a donné à certains un peu moins. Et il leur a ordonné de donner, fi sabilillah, parmi les choses que Allah il leur a donné. Ha antum tud'auna, ha antum ha'ula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de donner fi sabilillah. Et pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle soit élevée. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ. Moi, tu trouves les gens, ils sont de deux catégories. Par rapport au fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouves ceux qui donnent, Allah subhanahu wa ta'ala wafaqahum. Et tu trouves cette catégorie qu'Allah il a citée. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ. Certains, ils ne donnent pas. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Celui qui est avare, qui ne donne pas fi sabilillah, il se fait du mal qu'à lui-même. Pourquoi ? قَالَ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى. Parce que Allah c'est le riche, il possède tout. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous encourage, il nous ordonne de donner, c'est pas parce qu'il a besoin, na'oudhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout, c'est pour toi. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخ سَعْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ dans son tafsir, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير. Donc le fait que celui qui est avare, il se fait du mal qu'à lui-même, et il se fait du mal qu'à lui-même, il sera privé de la récompense. Et il sera privé d'un énorme bien que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé à ceux qui donnent. قال ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a pas besoin de cet argent, il a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani, c'est le qawi, c'est le qayyum, c'est le samad, jalla wa ala. On peut citer, on lit déjà hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, que al-muallif il a cité rahimahullah, قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن زهير بتستر قال حدثنا الحسن بن عرفة ابن يزيد العبدي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس. أي celui qui donne il est proche d'Allah et كذلك il est proche des gens. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس. L'inverse, البخيل là-bas il est loin d'Allah سبحانه وتعالى, il est loin des gens. قال ولا سخي جاهل نحب إلى الله من بخيل عابد. سخي أي un homme généreux, même s'il est ignorant, il est plus aimé auprès d'Allah qu'un avare qui adore beaucoup Allah عز وجل. Ce hadith il est ضعيف. Il est ضعيف جدا. في الإسناد, dans la chaîne de transmission qu'on vient de lire, سعيد ابن محمد الوراق. Il est متروك الحديث. Il est matruk le hadith, et ça montre que le hadith il est très très faible. Quand dans la chaîne de transmission il y a un matruk, le hadith il est daif jiddan. Et Cheikh l'Albani, il a détaillé cela dans As-Silsilatu Al-Dha'ifa. On peut citer un hadith authentique fi hada, hadith Anas radiyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل إلى آخره الحديث في صحيح البخاري. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il demandait à Allah سبحانه وتعالى de le préserver contre الهم والحزن والحزن. Et qu'Allah il le préserve contre l'angoisse, contre la tristesse. العجز والكسل contre la fainéantise والجبن. الجبن c'est le contraire de الشجاعة أي le manque de courage والبخل l'avarice. ابن القيم رحمه الله والدواء قال الجبن والبخل الجبن والبخل قرينان. C'est comme des frères jumeaux. الجبن le manque de courage والبخل l'avarice. قرينان ils sont cités ensemble, ils sont liés. C'est comme deux frères. قال رحمه الله فإن عدم النفع منه. صحيح أن le fait de ne pas profiter du bien, ça vient de ces deux choses. إما الجب أي le manque de courage. إما البخل l'avarice. قال رحمه الله إن كان ببدنه فهو الجبن. Et on peut citer comme exemple الجهاد. Al-jihad, le fait de mourir fi sabilillah, il y a une énorme récompense que Allah il a cité fi le Coran, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité fi as-sunnah. Al-jubn, le manque de courage, enfin, ça empêche l'insan de profiter de cette énorme récompense. Et il va se priver lui-même, li'annahu un manque de courage lié à son corps, lié à son cœur plutôt. Al-jubn, c'est dans le cœur, et là, chacun a. Si dans le cœur il y a le djoubn, enfin le corps il ne suit plus. Et il ne pourra pas profiter de cette énorme récompense. Ça c'est fait le djoubn. Qala, wa in kana bimalihi fahuwa al-bukhl. Kam min ujur al-muslim. Il peut avoir combien de récompenses en utilisant une partie de son argent fi sabilillah. Ta'ammalu. On a dit une partie. لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. Tu n'es pas obligé de tout dépenser. Abadan. Commence par les obligations. أي الزكاة. Si tu fais partie de ceux qui doivent sortir الزكاة. Crains Allah عز وجل dans cet argent. Si tu n'as pas fait le hajj, fais le hajj. Si tu as des enfants, une famille, des parents, prends soin d'eux. كذلك si tu as des proches qui ont besoin. Enfin, aide-les, fils sabilillah, wa hakada, tu auras, walillahi alhamd, énormément de récompenses. Encore plus si c'est une sadaqa jariya, etc. Si on revient au bakhil, à l'avare, annahu il se prive de hadha an-naf' al-'azim. À cause de quoi? À cause de al-bukhl. Et qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Il faut bien comprendre que dans ce chapitre, on va parler de. Al-Bakhil, on va pas parler de celui qui gaspille mal. Beaucoup de gens, ils sont pas atteints par cette maladie, le bukhl, mais ils sont atteints par d'autres maladies. Ils utilisent l'argent fil haram, ils sont dépensiers, etc. Ils savent pas gérer. Aoula kadalik, ils se font du mal. Mais Al-Bakhil, son cas il est encore plus grave. Il se prive lui-même et il prive les autres. Et ça fait partie de. Ça fait partie de ضعف العقل, comme on a vu, ولو بالإشارة dans le cours précédent. Et on va détailler, inshallah, dans ce chapitre. قال أبو حاتم رحمه الله إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب. Ça c'est une إشارة أن الحديث, la chaîne de transmission elle est pas claire. فلهذا il a cité سعيد بن محمد الوراق. Et تقدم معنا أن سعيد بن محمد الوراق il est matruk al-hadith. قال فالواجب على العاقل إذا أمكنه الشيء من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره فإنه لا ينفعه في الآخرة. Et ça c'est une مقدمة très très importante. أخي الكريم, هذه الدنيا فانية. Et ça c'est un remède طيب pour soigner nos cœurs contre l'avarice. Al-Nalbar, il se comporte avec leur argent. Cet argent, il va toujours rester. Enfin, profites-en. Aujourd'hui, tu as, et demain, Allah a'lam ta situation. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu seras mort. Profite de cet argent, c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. Attention, comment tu fais pour gagner cet argent? Ça doit être fil halal. Et thaniyan, crains Allah subhanahu wa ta'ala, utilise cet argent fima yamfa. Donc ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que hadhihi dunya faniya. Cette dunya, elle s'arrêtera. C'est faqat un laps de temps très très court pour que tu profites. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité cet argent pour que ça soit une cause de réussite yawm al-qiyama. Enfin, utilise-le fi sabilillah. Qala wa 'alima zawalaha anhu wa inqilabaha ila ghayrihi. Ça, c'est un autre point essentiel. Anna, aujourd'hui tu as et demain ça sera un autre. Hadhihi ad-dunya, elle n'est pas stable. Ce qui est stable, c'est l'au-delà. Amma hadhihi ad-dunya, un jour tu as, demain tu n'as plus. Wa hakada. Et ça nous montre qu'on ne doit pas s'accrocher à hadhihi ad-dunya. Ben, tu dois vivre avec ces principes. L'argent, ça vient, ça part. Alhamdulillah, l'argent, c'est dans tes poches. Ne la mets pas dans ton cœur. Ça doit rester dans tes mains, dans tes poches. Enfin, si tu as, alhamdulillah, tu n'as plus, ça reviendra. Qala rahimahullah, fa innahu la yanfa'uhu fi al-akhirah illa ma qaddama min al-a'mal as-salihah. Et ça, c'est un point essentiel. On a cet argent. Il sera profitable pour toi si tu l'utilises fi sabilillah. Il sera profitable pour toi dans l'au-delà. Qala aw yablughu majhudahu fi ada'i al-huquq fi malihi wal-qiyam bil-wajib fi asbabih. Ça, c'est un autre point important. Anna hadha al-mal lahu huquq. On a cité az-zakat, etc. Qala mubtaghiyan bidhalika ath-thawab fi al-uqba. Avec cette intention. On ne donne pas pour que les gens disent Masha'Allah, Fulan, il donne beaucoup. Fulan, il est généreux. Cette catégorie de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé qu'ils risquent de rentrer fin nar. Ben, il a cité parmi les trois personnes qui rentreront les premiers fin nar, parmi ces personnes, Rajulun, Jawad, un homme qui était généreux. Lakin, il donnait pourquoi? Pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il donnait pour qu'on dise. Un tel, il est généreux. Fal-hadar. Donner, c'est une chose. Lakin, plus important, c'est que ce don, cette donation, elle soit fondée sur l'ikhlas. Qala, rahimahullah, wa dhikr al-jamil fi dunya. Wa hada sahl. Hada sahl. Sahih, ba'dhum, ils sont sincères et ils donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les gens, ils reconnaissent. Anna fulan, il a fait beaucoup de khayr. Lakin, hada, ça ne doit pas être notre objectif. C'est que les gens, ils reconnaissent hada ou pas, l'amr sahl. L'essentiel, c'est de donner fillah ou lillah azza wa jal. Qala idhi sakha mahabbatun wa mahmada kama anna al-bukhl madhammatun wa mabghadha wa la khayra fil mal illa ma'al jood kama la khayra fi al-manzar illa ma'a al-makhbar. Sahih, la khayra fil mal illa ma'al jood. L'argent, c'est profitable. C'est une ni'ma si c'est utiliser comme arad Allah azza wa jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Ni'ma al-mal as-salih lir-rajul as-salih, hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'argent, c'est une ni'ma si c'est celui qui la possède, c'est un homme pieux. Il connaît haqq hadha al-mal et il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, haddathani Muhammad ابن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن الحسن الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف السدوسي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا سليمان مولى عبد الصمد بن علي أن المنصور أمير المؤمنين قال لابنه المهدي اعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك فتحبب إليهما بالإحسان جهدك وتودد إليهم بالإفضال واقصد بالإفضال موضع الحاجة منهم. نعم. Ridan Nas, Rayatun la Tudrak. Had al-Amir, il a conseillé son enfant. Ya'lam, sache que satisfaire les gens, c'est impossible. Wa hada taqaddam ma'ana. Kalam al-Imam Shafi'i, rahimahullah. Et enseigner cela aux enfants, c'est très très profitable. C'est un principe de base dans la vie. En tant que musulman, tu travailles, tu avances, tu fais des efforts pour Allah Azzawajal. Amma, les gens, quoi que tu fasses aujourd'hui, ils sont contents, demain, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ils sont satisfaits, demain, ils t'accusent. Aujourd'hui, ils t'encouragent et demain, c'est les mêmes qui mettent des bâtons dans les roues. On parle pas tout le monde, walillahi alhamd. On parle pas, là, qu'un certain, ils sont hakada. C'est pour ça que, en tant que croyant, n'espère pas les compliments des gens. Les gens, ils changent très très vite. La situation, elle change très très vite. Enfin, si notre objectif, c'est ridallah, subhanahu wa ta'ala, fala shakana, ça nous facilitera la vie. قال فتحبب إليهم بالإحسان جهدك هذا سيأتي إن شاء الله dans le chapitre suivant. On essaiera de le faire juste après, à la suite, et il est très très court, Inch'Allah. Il est lié à Hada. Dans ce chapitre, c'est la générosité. Le chapitre suivant, c'est sur le fait de faire des cadeaux. Et de ne pas rejeter un cadeau si ton frère, il t'en fait un. Donc on verra par rapport à l'ihsan aux autres. قال رحمه الله أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره ومن جاد ساد كما أن من بخل ذل صحيح الناس اللي كده الله سبحانه وتعالى il l'élève et ça peut être une énorme cause de bien. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il donnait beaucoup en arabe il dit المؤلفة قلوبهم ceux qui étaient nouveaux في الإسلام et ils avaient besoin d'être encouragés dans certaines choses. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait énormément. Et ça, c'est min al-maqasid al-tayyiba pour rapprocher les gens de la vérité en leur donnant. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rien n'y partageait le butin, il donnait 100 chamois à un tel. T'as un malin, t'as 100 chamois. Les chamois à l'époque, c'était leur monture principale, c'est l'équivalent des voitures aujourd'hui. Enfin, 100 chamois à une personne. Ou ma 100 chamois à un autre, 50 à hada. Certains compagnons très très proches, ils ne leur donnaient pas. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسابق سين نورم كوز بور لو فاسيليتي. هكذا أنت أخي الكريم. أحيانا tu utilises ton argent pour encourager les autres. لله عز وجل pour lui faciliter. Il a des difficultés dans هذا, enfin peut-être que ce cadeau, cette aide, ça va lui être bénéfique. قال والجود حارس الأعراض كما أن العفو زكاة العقل ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة لأن من لم يمتن بمعروفه وفره قال والامتنان يهدم الصنائع فإذا تعرت الصنيعة عن إزار له طرفان أحدهما الامتنان والآخر طلب الجزاء كان من أعظم الجود بل هو الجود في الحقيقة. Donc on fait attention à هذا. Ne pas donner pour que les autres ils disent « Fulan, masha'Allah, il donne beaucoup, il est généreux. » Allah subhanahu wa ta'ala, fil le Coran, « قال, innama nut'imukum liwajhillah » en citant « Awsaf, al-mu'minin, al-salihin » Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité parmi les caractéristiques des croyants pieux « innama nut'imukum liwajhillah » quand il donne, il donne pour Allah. « La nuridu minkum jaza'an wa la shukura » il donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne veulent pas jaza'an wa la shukura. Et ils ne donnent pas pour cela, pour être remerciés. Ce n'est pas ça leur but. Mais celui qui donne, et il attend en retour une chose, ou athana, être complimenté, shaitan. Shaitan, il pourra lui faire beaucoup de mal. Ça va toucher son attention directement. Maintenant, un jour, il peut donner. Il peut donner et personne ne complimente. Personne ne dit rien. Ça arrive, هذا. هذا الشيطان, il s'attaquera à son cœur et la prochaine fois, il ne donnera pas. لماذا لأن, il a besoin de هذا. Et ça, c'est très, très grave. Là, quand tu donnes, espère la récompense au القيامة. Que les gens, ils complimentent, amla. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, il accepte ta sadaqa. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, il accepte ton œuvre, tu auras tout gagné. قال رحمه الله حدثنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا حبان ابن موسى قال قسم ابن المبارك يوما بين إخوانه وأصحاب الحديث 1000 درهم ثم أنشأ يقول لا خير في المال لكنازه إلا جواد الكف نهابه. ابن المبارك رحمه الله الإمام une fois il a distribué 1000 dirhams à certains de ses proches et certains étudiants. ثم قال لا خير في المال لكنازه. Il n'y a pas de bien dans cet argent s'il est toujours gardé. Il m'a dans un coffre, il m'a dans les poches. Cet argent, il va me faire كثيرا quand il est utilisé. انتبهوا. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de mettre de côté. تذكرون le bab qu'on a lu ensemble il y a quelques jours. On a lu un chapitre sur le fait de جمع المال. Et que c'est permis, bien sûr. يحيانا, tu as besoin. يحيانا, il faut savoir gérer. لكن, toujours, cet argent, il est stocké daiman. Et l'insan, il n'en profite pas. Il n'en fait pas profiter ses proches. Et encore plus important que cela, il n'adore pas Allah Azza wa Jal avec cet argent. فلا خير في هذا المال. لا خير في هذا المال أبدا. قال أبو حاتم رحمه الله إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب الثواب والحلم من غير ضعف ولا مهانة. توسى تقدم. قال وأصل الجود ترك الظن بالحقوق عن أهلها أي البخل. كما أن أصل تربية الجسد أن لا تحمل عليه في الأكل والشرب والباه كما لا تنفع المروءة بغير تواضع ولا الحفظ بغير كفاية كذلك لا ينفع العيش بغير مال ولا المال بغير جود وكما أن القرابة تبع للمودة كذلك المحمدة تبع للإنفاق. أي هنا رحمه الله لا ديمونتري أن المال ينفع بالجود. L'argent c'est utile quand l'insan il sait l'utiliser fi sabilillah. أما s'il est utilisé في الحرام فهذا المال سسرى الندامة وحصرة contre celui qui le possédait. Des regrets يوم القيامة. Et cet être humain, والله يانا يوم القيامة, il espéra ne pas avoir eu un centime. C'est une fitna. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve contre fitnat al-mal. Comme on a vu précédemment. Ne pas croire, on a plus, on a mieux, c'est. Là, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qui nous donne un risque tayyib. C'est pour ça que dans le dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, souvent il citait un risque ou un mal et il yuqayyiduhu bi shay, ay risqan tayyiban, malan nafi'an. C'est comme l'ilm, ilm nafi'. Tu peux avoir des connaissances et c'est aucun profit pour toi. Bel c'est une preuve contre toi yawm al-qiyama. فهكذا المال. Ça ressemble au ilm. Le ilm, pour que ça soit profitable, il faut le mettre en application. Il faut le propager. C'est exactement la même chose, il y a ikhwan, pour l'argent. Mainsan, il apprend. Il connaît le Coran, il connaît Sunna, il connaît l'aqida, il connaît beaucoup de choses, Il ne met pas en application. Il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du shirk, il a un mauvais comportement, il ne fait pas salat, il ne met pas en application, il a des connaissances. Faqat. Comme certains kafaras. Certains kafaras, ils étudient l'islam, pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là. Imma c'est une passion, imma ils sont curieux, imma c'est pour combattre l'islam. Fahaoula, c'est aucune utilité pour eux, hadal ilm. Hakada l'argent. Alladhi yajma'a idan pas l'haqq hadal mal, il ne sait pas utiliser cet argent. Rupama c'est des regrets yawm al-qiyam. Qala rahimahullah, wa akhbarana Abu Ya'la الموصلي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولبي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال قلت للحسن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى قال يد المعطي خير من اليد المانعة. هذا كلام الحسن رحمة الله عليه. الحديث إلى في صحيح البخاري وصحيح مسلم كما بينا المحقق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. فبعض العلماء يقولون اليد العليا c'est celle qui donne, اليد السفلى c'est celle qui reçoit. Ça c'est المعنى المشهور الواضح. Et هنا ils ont rapporté عن الحسن أنه قال اليد العليا c'est celle qui donne. واليد السفلى سي سيل كي نو دون با. على كل حال il faudrait voir si cette explication elle est صحيحة عن الحسن. وإلا لا شك أن العمى اليد المعطي يد المعطي بلوتو العمى كي دون فبيان سور كالي ميور كو اون مان كي نو دون با. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله ابن ضمرة عن كعب قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ساس من أوصاف المؤمنين أقوياء الإيمان. ساس parmi les caractéristiques de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné un إيمان قوي. Une foi très très élevée. Man ahabba lillah wa abghada lillah. Celui qui connaît son dîn et qui met en application et il fait des efforts pour que sa foi elle monte. Il aimera pour Allah et il détestera pour Allah. Il aimera les croyants. Al-mu'minun. Encore plus as-salihun. Encore plus ceux qui font des efforts pour apprendre et mettre en application. L'amour des croyants, c'est par rapport à la situation de ce croyant, à sa foi. Wa abghadha lillah. Et il détestera les ennemis de l'islam. Min yahoud wa nasara wa mushrikin wa malahida. Il les détestera lillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est min a'zam al-ibadat. Et ça fait partie de notre foi. Et c'est un fondement de l'islam. Et on vit à une époque en... الكفرة يحاربون هذا الأصل الشد الحرب. Y a pas plus difficile pour un kafir que ce principe de aimer pour Allah, détester pour Allah. لماذا؟ لأنهم ils ont un autre principe qui contredit هذاهم. C'est la fraternité et l'égalité. Et on est tous pareils. Tu peux pas aimer هذا et détester هذا. Pour on a tous les mêmes droits, etc. Et كذلك la fraternité. La fraternité, on est tous pareils, حتى في هذا الباب, نعوذ بالله. فلهذا, faites attention, يا إخوان. Faites attention, الحرب على الإسلام, à notre époque, il est très très dur, très très intense. Faites attention à vos enfants, كذلك. Un enfant qui grandit sans ce principe, et ça devient un adulte, il ignore ce principe, encore plus à notre époque, encore plus في بلاد الكفر, encore plus chez الكفار. C'est très très difficile. Wallahi, ça peut lui détruire son dîn, ça peut lui anéantir sa foi. Ayyadam billah. Il y en a celui qui pense qu'il faut aimer les kuffars. Ayyadam billah. Il contredit le Coran al-Karim. Falihada qala Allah azza wa jal, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir. Ta'ammal ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la foi. Et tu ne trouveras pas un peuple, une personne qui croit en Allah et au jour dernier. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Aimer les ennemis d'Allah et les ennemis de son prophète. Ça contredit la foi à هذا. Et ça contredit le Coran, le Karim. لأن هذا الباب الولاء والبراء الحب والبغض في الله عز وجل c'est une des bases de notre dîn. Et beaucoup de choses elles sont fondées sur cette base. Tu dois aimer les croyants, tu dois t'entraider avec eux, tu dois... Il a akhri, combien de choses? Tu dois détester les mécréants. Et s'il y a un jihad mashrou avec un gouverneur musulman, avec ulama al-umma, falhamdulillah, etc. C'est la base de notre dîn. Falihada les kuffars et combattent cette base. Les kuffars, ils ne t'empêcheront pas de sortir zakat, de faire la salat. Ils vont combattre certaines choses qui sont apparents. Limada li anna, c'est une da'wa. C'est pour ça qu'ils combattent le hijab, ils ont combattu l'adhan. Ils font tout pour que cet islam, il n'apparaît pas dans leur bilad. C'est pour ça que l'adhan, c'est une da'wa azima. C'est pour ça qu'ils l'interdisent directement. Le hijab, kadalik, c'est une da'wa. À l'apparence, c'est une énorme da'wa. Enfin, ils essayent de combattre. Au nom des principes corrompus qu'ils ont. Lakin, les autres choses, ils te laisseront, ils ne peuvent rien faire. Tu veux sortir la zakat, tu veux faire siyam, tu veux faire salat. Ben, ils vont t'aider à construire une mosquée, etc. C'est pas un problème, hada, pour eux. Lakin, en tant que mu'min, tu dois être zaki, tu dois voir loin. Ce qu'ils détestent, mais ce qu'ils combattent, c'est ta aqida, ta foi. Ils veulent que tu aies cette croyance. Ah non, on est tous pareils, on est tous égaux, on est tous des frères. Tu dis plus, Je déteste un tel parce que c'est un ennemi de l'islam. Ils veulent plus ça. Et ils savent très bien que c'est une des bases de notre dîn. Fahdhar. Et préserve ta foi. L'Anna ibn Hibban, rahimahullah, il a cité ce hadith. On a pourquoi? Par rapport à qawluhu wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Aïe. Ça fait partie de la foi. Belle de une foi très très élevée de donner pour Allah. Et c'est par rapport à notre thème. As-sakha wal-jood, la générosité, le fait de donner. Lakin, cette générosité, hada al-karam, hada al-jood, il sera accepté inda Allah, bien sûr, si al-mu'min il est sincère et s'il n'a pas annulé sa foi. Enfin, on fait attention de ne pas annuler notre foi. Et on vit à une époque, la tadhunnun anna on est à l'abri. On est à une époque, anna, il y a beaucoup de choubah dans les fondements même de notre dîn. C'est pour ça que, walillahi alhamd, il y a quelques mois, l'année dernière, Nassit, où il y a 2 ans, on avait étudié Risalat al-Allama, al-Sheikh Hamoud Touedjri, rahmatullah alayhi, sur al-Hub fillah ou al-Bughd fillah. Et on avait étudié hadhihi al-Mas'ala, walillahi alhamd. Qala rahimahullah, wa anshadani Kamil ibn Mukram, Abu al-Ala, qala anshadani Hilal ibn al-Ala, ibn Hilal, ibn Umar al-Bahili, ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي وما وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد ما شاء الله. صحيح أن البعض il ne sort pas la zakat. تعلمون pourquoi؟ لأنهم l'argent il ne reste pas عندهم. Ce poète il a dit ملأت يدي من الدنيا مرارا. Il a dit j'ai souvent eu énormément d'argent. ثم قال وما وجبت علي زكاة مال. Et il dit, la zakat n'a jamais été obligatoire pour moi. Pourtant, il avait beaucoup d'argent. قال وهل تجب الزكاة على الجواد. Il y en a, à chaque fois qu'il a, cet argent, il ne reste pas où il l'utilise, fi sabilillah. Et ça, c'est min at-tawfiq. Limada, il y en a, la mort, elle peut arriver à chaque instant, à n'importe quel moment. Et chacun, il connaît sa situation. Ahyanan, le mu'min, il a besoin de mettre de côté pour faire quelque chose de azim, maintenant faire le hajj, faire le hijra, maintenant pour un projet mohim, chacun sa situation. Là, on doit essayer de utiliser cet argent fi sabilillah et ne pas croire qu'en le gardant, hakada encore plus grave bien sûr, sans lui donner ses huquq, annahu c'est un bien abadan. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-bukhl shajaratun fi an-nar aghsanuha fi ad-dunya. من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار. هذا مثال بليغ. Il a comparé البخل والجود à un arbre. البخل c'est comme un arbre. Cet arbre il est في النار, il est en enfer. أغصانها في الدنيا, les racines de cet arbre ils sont dans ce bas monde. تأمل, l'arbre il est en enfer, il est dans le feu et les racines ils sont dans ce bas monde. Celui qui s'accroche à une de ses racines, aïe, l'avarice, enfin, ça peut le pousser dans le feu. Ça peut être une cause annahu il rentre dans le feu, iyadan billah. Qala, kama anna al-jood shajaratun fil jannah, kadalik al-jood, al-karam, al-sakha, le fait de donner la générosité, c'est un arbre qui est fil jannah. أغصانها في الدنيا. Les racines, elles sont في الدنيا. من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة. Celui qui s'accroche à une de ses racines, ça peut être une cause. Ça lui ouvre les portes du paradis. قال والجنة دار الأسخياء. الجنة, c'est la demeure des généreux. قال والبخيل يقال له في أول درجته البخيل. On a laissé une فائدة جميلة. Et ça montre là. L'importance de la langue arabe et la force des mots dans la langue arabe. Pour l'avare, l'arabe, ils ont plusieurs mots par rapport à la gravité de sa maladie, de son avarice. Quelqu'un qui est avare, et on va dire le premier degré de l'avarice, l'arabe, il l'appelle bakhil. Il est connu, il ne donne pas. Il a cette maladie. قال فإذا عتى وطغى في الإمساك يقال له الشحيح. Si vraiment il est avare, et cette avarice elle le pousse même à ne plus donner zakat, ne pas faire le hajj, iyadan billah. Enfin, dans ce cas, il l'appelle al-shahih. Le mot shuh, il est cité dans le Coran. Wa man yuqa shuha nafsihi. Qala, fa idha dhamma al-jud wa al-asriya yuqalu lahu la'im. À un autre degré, annahu il est avare et il critique ceux qui donnent. Et ça, na'oudhu billah. Marad fouq marad. Ba'dhuhum sahih. Ils ont des problèmes. Ils ont du mal. Ils sont malades et ils accusent les autres. Au lieu de se remettre en question. Enfin, al-la'im, il est avare et il accuse ceux qui donnent. قال فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له الملائم. Encore un plus haut degré. الحقيقة c'est pas des degrés, c'est en arabe ils disent darakat, c'est des niveaux, c'est de haut en bas. Enfin le plus bas niveau, الملائم. أنه il encourage البخلاء. Il est avare, il critique ceux qui donnent et en même temps il encourage ses frères البخلاء, les avares comme lui. قال وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أتلم لدينه من البخل ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لكل هم من الهموم سعة والبخل واللوم والبخل واللوم نعم اللوم نعم بهمزة الواو قال والبخول واللوم لا فلاح معه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. Et ça montre سخافة عقول هؤلاء. مع أنه l'avarice c'est un défaut, c'est un mauvais comportement. Ça peut pousser à beaucoup d'interdits chez l'islam. مع هذا كذلك c'est ça contredit le raisonnement des personnes sensées. كيف هذا؟ قال الشاعر le poète il a dit قد يجمع المال غير أكله ويأكل المال غير من جمعه. Tu peux trouver une personne تجمع المال à cause de son avarice, il se prive lui-même, والله بعضهم, il se prive même de choses essentielles qu'il a besoin, des vêtements, de la nourriture, des choses pour s'entretenir, sa propreté, pour ses enfants, بخل شديد. Et tu trouves يجمع المال alors qu'il ne l'utilise pas, alors qu'il a besoin. ويأكل المال غير من جمعه. Et tu trouves que celui qui va manger, qui va utiliser, qui va dépenser هذا المال, c'est un autre. هذا c'est ce qu'on avait dit dans le dars précédent qu'on verra في هذا الباب. Et Ibn Hibban il a cité d'autres points qu'on peut lire. قال وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري قال أنشدني الغلابي قال أنشدني مهدي ابن سابق يا مانع المال كم تظن به. تظن هنا سبب بالضاء سبب الضاد أي من البخل أي يا مانع المال. Pourquoi tu es avare, تطمع بالله في الخلود معه. أي est-ce que tu penses que tu vas rester éternel avec cet argent. قال هل حمل المال ميت معه. Une autre question. Et ça c'est une question taïba. C'est encore un remède contre l'avarice. Est-ce que tu as déjà vu واحد qui meurt et qui prend son argent معه. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا مات بنو آدم أتبعه ثلاث. Quand l'être humain il meurt, trois choses elles le suivent. يرجع اثنان ويبقى معه واحد. Deux choses elles reviennent et une chose elle reste. نعم يرجع ماله وأهله. Sa famille et ses biens ils reviennent. ويبقى معه عمله. Ce qui reste c'est العمل. Donc si on a compris هذا الحديث, ça va nous montrer les priorités de notre vie sur terre. Leur mode de vie, ce qui va les sauver, c'est l'argent. Toute leur vie, c'est par rapport à l'argent. Travail, projet, voyage, déplacement, leurs efforts, leurs forces, tout c'est dans l'argent. Aucune part, ou très peu d'efforts, dans l'amal, dans le din. Alors que, on est tous d'accord que, quand l'être humain meurt, encore plus en tant que croyant, l'argent, il prendra pas l'argent avec lui. Abadan. Et ce qui sera utile, c'est l'amal. Donc si on a compris ça, on doit faire des efforts. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen pour manger, pour se vêtir, pour se déplacer. Un jour tu as, un jour tu n'as plus. Ça reste un moyen. Si ce moyen il prend le dessus sur notre din, on aura tout perdu. Comme ils n'ont pas fait le hajj, ils ne font pas salat à l'heure, ils n'arrivent pas à appliquer leur din à cause de l'argent. Ça, c'est une fitna. Alors que, alhamdulillah, ardullahu asi'a, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Beaucoup d'endroits où tu peux pratiquer ton din et en même temps gagner de l'argent. Si on n'a pas ce genre de principe, on se fera beaucoup de mal. Est-ce qu'un mort, il a déjà emmené son argent avec lui dans sa tombe? Ça, c'est une faïda. Belle, cet argent. On doit se poser la question. Et on est tous concernés. Il y en a, par rapport à notre situation, on a tous des biens. Un peu d'argent, certaines choses qu'on possède. Donc, on est tous concernés. On est tous d'accord que si un de nous, مثلا, il meurt aujourd'hui ou demain, on est tous d'accord que son argent, il ne le prendra pas avec lui. Ses biens, ils resteront. On peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver à ses biens, à son argent? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ceux qui ont une part d'héritage, ils prendront leur part. Si c'est des enfants pieux, alhamdoulilah, ils l'utiliseront dans des choses bénéfiques. Si c'est pas des enfants pieux, enfin, tous ces efforts et ces soucis, cette angoisse, l'avare, il vit dans des soucis permanents et il est toujours angoissé à cause de cet argent. Tu trouves, Raoula, en une ou deux heures, c'est fini. Le partage et pour certains, les dépenses. Enfin, c'est pour nous faire réfléchir. C'est pour ça que ce livre, Rawdat al-Uqala al-Imam Ibn Hibban, rahimahullah, il lui a donné ce titre. Rawda pour l'Uqala. Rawda, c'est quoi? C'est un jardin. Le pluriel, c'est Riyad. C'est pour ça que l'Imam Nawawi l'a appelé Riyad al-Salihin. Et c'est Aïma, ils ont cité ces titres. Kana ou c'est une Rawda où tu t'assois pour réfléchir. Rawda al-Uqala, c'est un jardin pour l'Uqala. Un jardin, c'est pour respirer, pour réfléchir. Hada al-Kitab, c'est ça le but. Enfin, on doit donner du temps à ces réflexions très très importantes. Maintenant, l'argent, c'est une fitna. Ouvre les yeux, Akhil Karim. Tout ce que tu vois autour de toi, min qatl wa qital, des guerres, des fitnes, des mensonges, la course aux richesses. Pourquoi? Que pour al-mal. Al-haakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. هكذا قال عز وجل الهاكم وزدستريب هذا التكاثر حتى زرتم المقابر. Ça, ça nous montre أن la mort c'est أكبر واعظ, c'est un rappel très très important. فلهذا n'oublie pas, ne fais pas comme certains, ils sont malades du cœur, ils ont tellement des faiblesses, ils veulent pas entendre le mot mort. Le fait d'en parler là, pourquoi? لأن ça leur fait peur. تقي الله أخي الكريم. La mort, c'est un excellent rappel. Enfin, parle-en. Et pose-toi des questions. Et tu verras que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Qala rahimahullah. Wa anshadani Abdul Aziz ibn Sulayman al-Abrash. Tajoudu bil mal ala warithin. Wa la tara ahlan lahu nafsaka. Qaddama husna al-dhan billah. Qaddama husna al-dhan billah man jada wa su'a al-dhan man amsaka. هذا كلام جميل. تجود بالمال على وارث ولا ترى أهلا له نفسك. Tous ces efforts que tu fais, c'est le cas du bakhil, de l'avare. Ces efforts qu'il fait, il fait des efforts, c'est quoi? Pour ne pas gaspiller cet argent. ولا ترى له أهلا له نفسك. قال قدم حسن الظن بالله من جاد وسوء الظن من أمسك. Alors que, probablement, c'est des autres qui vont en profiter à ta place. Enfin, on doit inverser les choses. قدم حسن الظن بالله من جاد وسوء الظن من أمسك. Crains Allah et n'aie pas peur. Ce que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, il te le remplacera par quelque chose de meilleur. L'essentiel, c'est que tu sois sincère, que cet argent se mette à halal Et n'aie pas peur, on doit pas avoir hada dhaf dans nos cœurs. Et ça vient d'un problème fil ilm et une méconnaissance du tawhid et de l'aqida. Bardom, il pense que s'il arrête ce travail ou telle chose, elle arrêtera, alors il va plus avoir d'argent, il va mourir de faim. A'oudou billah. Inna Allah al-Razzaq, inna Allah huwa al-Razzaq, dhul quwwati al-matin. Qal azza wa jalla wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, comme avait hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange, il a tout écrit. Parmi les choses, ton rizq, chaque centime, chaque bouchée que tu vas faire pénétrer dans ta bouche, chaque gorgée d'eau, chaque chose, c'est déjà inscrit. Fastarih, akhi al-karim. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des causes là, fais les causes là, ça reste une cause parmi tant d'autres. Alhamdulillah, on vit à une époque, la plupart des gens ils mangent, etc. Enfin, c'est pas le problème. Sahih, Abad al-Nas, ils ont, dans certains pays, ils ont des problèmes même pour se nourrir et boire. Amma, anta, akhil garim, tu es fils salam, avi adelbab, profites-en, concentre-toi pour appliquer ton din. Qala, rahimahullah, ma ra'aytu ahadan. من الشرق إلى الغرب ارتدى برداء الجود واتزر بإزار ترك الأذى إلا رأس أشكاله وأضاده وخضع له الخاص والعام. نعم, c'est une cause pour être élevé auprès d'Allah عز وجل. Celui qui est généreux, qui donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال فمن أراد الرفعة العالية في العقبة والمرتبة الجليلة في الدنيا فليلزم الجود بما يملك وترك الأذى إلى الخاص والعام. قال ومن أراد أن يهتك عرضه ويتلم دينه ويمله إخوانه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل. نعم, البخل c'est un comportement qui emmène beaucoup d'autres mauvais comportements et beaucoup de mal. قال ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا. Et صحيح هذا أن الأفاريس c'est un comportement mauvais عند أهل الإسلام وغيرهم. C'est pour ça que tu trouves أخبث الناس. Ils sont connus pour هذا البخل اليهود أخزهم الله. Les Juifs ils sont connus pour البخل. لماذا؟ لأنهم c'est des خبثاء ضلال مجرمون. Et ils sont connus pour avoir ce mauvais comportement. Falihada, c'est devenu une insulte. C'est devenu une insulte. À celui qui veut montrer à Nafoulan, il est avare, il est bakhil, il le compare à un Yahoudi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi akhbarana anna al-qawm ha'oula, c'est des avares. Et Allah subhanahu wa ta'ala, btalahum bil-bukhl. Qala, donc al-bukhl s'est rejeté, ce mauvais comportement, l'avarice, par al-muslimoun wa ghayruhum, avant l'islam et bien sûr pendant l'islam. Qala faminhu ma anshadani Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi ka'annama nuqirat kafahu min hajarin falaysa bayna yadayhi wa nada amalu yara at-tayammum fi bahrin wa fi baladin makhafata an yura fi kaffihi balalu. Ça c'est un vers de poésie connu pour montrer, c'est de la moubalara bien sûr. C'est de la moubalara, c'est poussé à l'extrême l'exemple pour montrer le cas de l'avare. Un avare, même quand il peut utiliser l'eau, il n'est pas en voyage, et il ne fait pas partie de ceux qui peuvent faire at-tayammum, et il est au bord de l'océan, et il peut utiliser l'eau, tellement qu'il est avare, il fait at-tayammum. Tellement qu'il est avare, il fait tayammum pour ne pas gaspiller l'eau. Alors que si tous les êtres humains ils font l'eau d'eau de cet océan, ça va en rien diminuer l'eau de cet océan. Lakin al-bukhl. Qala rahimahullah. Wa sami'tu Muhammad ibn Nasr ibn Nawfal al-Marwazi yaqul sami'tu Muhammad ibn Salih al-Wakarani et yaqul qila lin-Nadhr ibn Shumayl ayyu baytin قالته العرب أسخى أي بيت قالته العرب أسخى أي le vers de poésie qui montre السخاء la générosité. قال الذي يقول فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا c'est pour montrer la générosité. أن cet homme, cette personne, فلو لم تكن في كفه, même si dans ses mains Il aurait gaspillé tout son argent, fisabilillah. Et il lui resterait plus que son âme. Enfin, il donnerait son âme, fisabilillah. Ça, c'est un exemple pour montrer al-joud, al-azim chez certaines personnes. قال وأي بيت قالته العرب أبخل هما اللي ont demandé sur un verre de poésie qui montre l'avarice قال لو جعل الخردل في كفه ما سقطت من كفه خردله نعم الخردل c'est une chose très petite ils traduisent في القرآن par atome المهم c'est pour montrer une chose infiniment petite فلو جعل في كفه الخردل si dans sa main il aurait had al khardal très très petit ma saqatat min kaffihi khardalah il aurait pas cet atome il ne tomberait pas de sa main ay tellement qu'il serre fort tellement qu'il yumsik et il ne veut pas donner ayyadan billah qala rahimahullah haddathana amr ibn muhammad qala haddathana al ghalabi qala haddathana al abbas ibn bakkar عن الهذلي قال الحسن أي البصري من أيقن بالخلف جاد بالعطية et ça c'est une conclusion طيبة on est tous d'accord que الجود والكرم c'est un très bon comportement et c'est très très profitable pour المؤمن كما قال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فلهذا قال الحسن من أيقن بالخلف On est tous d'accord, donc on disait que c'est très très important, c'est très très profitable. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut nous faciliter à donner encore plus, à ne pas craindre la pauvreté, placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, savoir gérer, comme on a étudié dans le chapitre sur Jam'al Mal il y a quelques jours. Ce qui aide beaucoup, fi hadha al-bab, c'est « man ayqan » à celui qui est sûr. Mais le khalaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplacera. Il te donnera quelque chose de meilleur. Jada bil atiyya. Si tu as cette certitude, tu donnes 100 dirhams, n'aie aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera mieux. Fi dunya wal akhirah. Ça ne veut pas dire que fi dunya. Là, et l'essentiel, c'est l'akhirah. Tu as donné ces 100 dirhams, fa Allahu a'lam. Combien Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. On sait déjà que chaque hasana est multiplié par 10 et fadlullah wasi'. Wa ma anfaqtum min shay. Ça nous montre كذلك ان الانفاق c'est le fait de donner. C'est pas forcément des grosses sommes. Wa ma anfaqtum min shay. Quoi que vous donnez. Min saghir ou kabir. Fa huwa yukhlifu. Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifu. Il te le remplacera par quelque chose de meilleur. Il te donnera. Anfiq yunfaq alayh. Yunfaq alayk ou anfiq alayk. Ou kama qal fil hadith. On lit le chapitre suivant. C'est lié. Il est très très court. Qala rahimahullah dhikru al-zajr an tark qaboul al-hadaya min al-ikhwan. Vu que le fait de donner ce tayyib est parmi les choses qu'on donne, il y a al-hadiyya, les cadeaux. Le pluriel c'est hadaya, et donner quelque chose à ton frère. Huna, il a cité un bab fi az-zajr an tark qabul al-hadaya. Hala, c'est un mauvais comportement. Si ton frère musulman, il te donne une chose, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il veut ton bien. Il ne t'aimerait pas, il ne voudrait pas ton bien. Personne ne le force à te donner. Falihada, on ne doit pas rejeter. Tu dois accepter. Qala, rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Salih al-Tabari, qala haddathana Abdullah ibn Imran al-Asbahani bil-Ray, qala haddathani Yahya ibn Dhurais, qala haddathana Sufyan al-Thawri an il-A'mash, an Abi Wa'il, an Abdillah, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين الشاهد ولا ترد الهدية الحديث الذي الأدب المفرد de الإمام البخاري رحمه الله إيه صحيح Cheikh Al-Albani, il l'a sahah, rahmatullah alayhi, dans son tahqiq de Al-Adab, Al-Mufrad et dans Al-Irwa. Cheikh Zayd Al-Madkhali, rahmatullah alayhi, dans son charh, il a un charh très très bénéfique, très simple, de Al-Adab Al-Mufrad, un livre sur les bons comportements de l'imam Al-Bukhari. Et c'est une compilation de hadith. Et il a cité ce hadith. أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قال par rapport au shahid, à ce qui nous intéresse نحن dans notre chapitre. قال نعم الأمر الثاني قبول الهدية فلا يردها. Donc le musulman ne doit pas refuser un cadeau. لأن الهدية تحصل بين الأصحاب وبين الإخوان وبين الجيران بقدر الاستطاعة وهي رمز Les cadeaux, en général, c'est imma un ami, imma un proche, imma un voisin. Et comme il dit, c'est ramzu as-sila wal ukhuwa wal ikhwan. C'est une alama, c'est un signe, c'est quelque chose qui lie ce musulman avec son frère. Enfin, ne soit pas une cause pour couper ce lien. Qala fala yarudduha al-muhda ilayhi wa in qallat. Tu n'as pas le droit de refuser, même si c'est quelque chose de qalil, quelque chose qui n'a pas énormément de valeur. Lakin, ce qui est important, ce n'est pas l'objet. Ça peut être un cadeau qui a énormément de valeur. Et ça peut être un cadeau qui n'a pas beaucoup de valeur. Lakin, c'est le geste. C'est l'amour de ton frère. C'est le fait que ton frère, il a pensé à toi. Que ce soit un cadeau à 1 million, un cadeau à... un dirham ou 10 dirhams, il a pensé à toi. Dans les deux cas, celui qui te fait le cadeau. Le fait de refuser, là, chacun a ça pour ouvrir des portes de mal. قال فلا يردها المهدى إليه وإن قلت بل يقبلها ويثيب عليها أي يكافئ عليها حتى إذا لم يجد ما يكافئ به دعا لمن أهدى إليه هدية. نعم. Et من المعروف, si ton frère il a fait ce geste, فأنت كذلك تكرمه. Selon tes capacités. Et si tu ne peux pas, comme a déjà fait le hadith, ad-du'a. Et ad-du'a, c'est quelque chose de très très important. Qala qailan lahu jazakallahu khayran. Wa hadha khayr ma yukafa'u bihi man sana'a ma'ruf ila akhi. Le fait que ton frère il te dit jazakallahu khayran, c'est un du'a. Et qu'Allah te récompense par un bien ou par du bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua de ce frère, de ce musulman qui reçoit ce cadeau, là, chacun a celui qui a fait le cadeau, c'est lui le gagnant. C'est lui l'énorme gagnant fi hada. Qala qala wal hadiya wa wal hadaya bayna an-nisa wa bayna ar-rijal wa bayna al-usr wa bayna al-ashab fa hiya ramzu al-ukhuwa wal mahabba wa majlabatu al-khayr. Donc on a compris pourquoi il ne faut pas refuser les cadeaux. لماذا لأن ce cadeau, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tahadou tahabou. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est une source de mahabba. Donc le fait de refuser, de ne pas accepter ce cadeau, ça peut blesser ton frère mu'min. Wala yajouz de blesser ton frère mu'min. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi refuser? Est-ce que c'est min bab al-wara? Est-ce que ça fait partie de la piété? Abadan. Ça fait partie de la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait jamais interdit d'avoir de la piété. Ça fait pas partie de la piété. Had. Ça, c'est minash shaitan. C'est à cause de l'ignorance. Et certains musulmans, ils refusent les cadeaux à cause de leur ignorance. Ils pensent que... Sahih, un frère, il te fait un cadeau, tu ne t'y attends pas et tu ressens une gêne. Il a fait des efforts, peut-être il s'est déplacé, il a dépensé de l'argent. Tu ressens une gêne, laquelle la solution, c'est pas de refuser. N'a'oudou billah, ça c'est l'ignorance. Ba'dannaz, ils refusent à cause de leur ignorance, pas une mauvaise intention. Là, ils pensent que c'est mieux, ça fait partie de la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, azzawajal, c'est fondée sur l'ilm, c'est fondée sur la science. Amma, refuser, ça blesse ton frère. Et on répète, qu'est-ce que tu profites, Anta, si tu refuses? Wala shay. Celui qui refuse le cadeau, wala ni khalif la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Thanian, tu te prives de ce que ce musulman il allait te donner. Enfin, alhamdulillah, prends. C'est min rizqillahi azza wa jal pour toi. Et kadhalik, anta, alhamdulillah, ce musulman il t'a fait un cadeau. Enfin, t'as fait un cadeau à ce musulman ou à un autre. Alhamdulillah. Et vous verrez que ça resserre les liens. Ça resserre les liens. Khassatan, quand il peut y avoir un problème entre toi et ton frère ou un proche, et le shaitan y rentre. Parmi les solutions, c'est al-hadiyya. Fi sabilillah. Tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour éloigner le shaitan et pour rapprocher hada al-mu'min. Et parmi les meilleurs cadeaux qu'on peut faire, il y a ikhwan. Et on ne doit pas négliger hada, c'est à nos parents. Ils ont un haqq azim. Et on vit à une époque, l'île Asaf, beaucoup d'enfants, ils négligent leurs parents via Hadalba. Et on fait une précision, là, on a les cadeaux, c'est pas que pour les pauvres. Là, les pauvres, c'est Az-Zaka. Faut pas mélanger. Le cadeau, c'est pas pour le pauvre. Tu donnes pas un cadeau parce qu'il a besoin. Là, ça peut bien sûr, tu sais qu'il a un besoin dans telle chose, et tu lui donnes. Et c'est un cadeau et en même temps c'est pour son besoin. Alhamdoulilah, mais c'est pas que ça. C'est pour ça que Shaitan il nous écarte de cette sunna avec plusieurs choses. Parmi ces choses, on pense à rien que le cadeau c'est que pour ceux qui ont besoin. Enfin, tu trouves, al-awlad, ils ont des parents qui ont plus d'argent qu'eux peut-être. Et ils négligent ce point. Alors que ton père ou ta mère, wallahi, même s'ils sont millionnaires, et un tas, tu leur offres une chose. Même qui n'a pas beaucoup de valeur, tu verras que ça les touchera énormément. On ne doit pas négliger hada. On ne doit pas négliger hada. Kadhalik, le shaitan, il essaie de nous écarter de cette sunna avec une autre shubha, nous faire croire que les cadeaux, il faut forcément que ça soit quelque chose de valeur. On peut offrir une chose à notre frère. Maintenant, tu offres un stylo à ton frère, al-mu'min. Un stylo. Un stylo, ça n'a pas de valeur, pas beaucoup de valeur si on prend un stylo normal. Enfin, le shaitan, il nous fait croire que pourquoi tu veux lui offrir Hada, ça n'a pas de valeur. Encore plus ceux qui sont touchés par la maladie du regard des autres. Mais les gens, ils vont dire, les gens, ils vont voir. Le shaitan, il les combat et tu trouves Haoula, c'est rare qu'ils font des cadeaux. Il y en a si tu attends pour faire des cadeaux que ce cadeau il soit d'une énorme valeur, enfin, là, je sais que tu vas être très très limité. Enfin, on doit craindre Allah. Kedalik, n'oublie pas, on a ce stylo. En lui-même, il n'a pas beaucoup de valeur. Lakin, si tu l'offres à un musulman, et ce musulman, il va écrire avec. Il va écrire, il va prendre des notes quand il écoute son cours. Il va écrire des versets du Coran, des sourates, des sourates qu'il apprend, des hadiths. Chaque lettre qu'il écrit, tu es récompensé. Il y en a, c'est toi qui as acheté ce stylo. Si on réfléchit comme ça, là, chacun, on va faire beaucoup plus d'efforts fi hadha al-bab. Abu Hatim rahimahullah. Zajara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-khabar an tark qabul al-hadaya bayna al-muslimin. Wal wajib ala al-mar' idha uhdiyat ilayhi hadiyya an yaqbalaha wa la yaruddaha. Na'am. Qala al-wajib, c'est une obligation. Tu acceptes. Tu acceptes, sauf si il y a une raison de refuser. Il t'offre quelque chose de haram. Et il ne savait pas. Dans cette situation, il y a une façon de rejeter. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith Abil Jahm, il lui a offert un vêtement. Il a offert un vêtement au prophète alayhi salatu wasallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ce vêtement et il a fait salat. Ce vêtement, il y avait des couleurs, des motifs dessus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a dérangé pendant la salat. Et là, chacun a cette chose qui va le déranger alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la salat. C'est un mal. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ta'ammaluhuna al-akhlaq al-aliya. Et le fait de regarder, de prendre en considération ce que ton frère musulman y pense. Ton frère musulman, c'est pas un robot. Il a des sentiments, il a un cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ردوها إليه. Rendez-lui ce vêtement et dites-lui qu'il me le remplace par un autre. Allez, montrez-lui la cause. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te le rend. Pas parce que tu as fait quelque chose. Faut bien comprendre la situation. Imaginez un homme. Cet homme qui a donné un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui rend. Pourquoi il l'a rendu? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué la situation et vous lui dites, ah non, il me le remplace. Son cadeau, il est taillé. Et Anna, je veux accepter son cadeau. Lakin, il me dérange pour salat, mais il me le remplace par un autre qui ne me dérangera pas. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Anta, khassatan avec certains proches, min al-awam, ils n'ont pas certaines de tes connaissances, ils n'ont pas les mêmes principes que toi, ils ne savent pas telle chose, ils peuvent t'offrir maintenant quelque chose avec du haram, alors qu'ils avaient une bonne intention. Fafiyat al-hal, tu montres. Ça fait une nasiha pour eux. Anna, si c'est haram pour moi, c'est haram pour vous aussi. Et qu'est-ce que tu leur montres, Anna? Ce cadeau, kada, alhamdulillah, tu feras du khayr. Wa illa, à la base, c'est qu'on doit accepter les cadeaux de nos frères musulmans. Naam, dès que j'ai, Robama, je précise musulmans, lakin les cadeaux, c'est même pour autre que al-muslimin. Tu peux faire un cadeau à autre qu'un musulman avec un maqsad azim, al-da'wa. Tu lui offres une chose. Ça peut être un voisin. Et ça aussi, on ne doit pas négliger, ya ikhwan. Ça peut être un kafir khassatan. Bad al-kafara, il ne combat pas l'islam. C'est des kuffar, il a grandi comme ça. Et bel badhoum, il s'intéresse à l'islam. Et tu sens qu'il a un bon comportement, qu'il a akhir. Enfin, profite-en, akhir al-karim. Al-da'wa, ce n'est pas qu'avec l'ilm. Bel akthar al-nas, surtout à notre époque, yata'atharoun bil-akhlaq. Et encore plus, si tu lui fais un cadeau que... Si tu lui fais une nasiha d'une heure. Les malades, il y en a leur cœur, ils ont du mal, ils sont pas prêts à accepter hadal ilm. Ils sont malades. Lakin le cadeau, ça touche. Quand tu as maintenant ce voisin kafir, tu lui offres une chose. Un plat, une chose. Tu verras que ça y est, frah jiddan. Peut-être que ça va ouvrir une brèche dans son cœur, une porte. Et un tas, tu en profites pour lui montrer dinullah al-haq. Thumma lui offrir un livre, thumma lui offrir un... Un dors, alhamdulillah, yahsul khayr kathir. Les moyens, il y en a beaucoup. Et ils sont accessibles pour chacun de nous. Les bons comportements, l'exemple qu'on vient de citer, les cadeaux, du ilm. Lakin, on doit faire des efforts. On ne doit pas laisser Shaitan nous faire croire que ce n'est pas possible. C'est trop dur. On n'est pas apte. On doit faire attention à hada. Qala rahimahullah. Wa inni la astahibbu linnas isti'mal ba'th. الهدايا إلى الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. إيه نعم، هذا تقدم معنا الحديث في هذا أن الهدية سينكوز في المحبة pour augmenter la mahabba entre les personnes. قال ولقد حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا الليث قال سمعت عبد الملك ابن رفاعة الفهمي يقول الهدية هو السحر الظاهر. Il a comparé al-hadiyya au sihr. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan la sihra. Inna min al-bayan la sihra. Et parmi l'éloquence du sihr, pourquoi? L'éloquence tu'athir, ça touche les cœurs. Donc, al-sihr, ahyanan, il est utilisé pour montrer que telle chose a un impact. فَهَكَذَا هُنَا الْهَدِيَّةُ هُوَ السِّحْرُ الظَّاهِرُ. Et ça touche. Ça touche. Comme le sihr, il touche. فَالْهَدِيَّةُ elle touche. لَكِنْ الْهَدِيَّةُ elle touche dans le bon sens. Un cadeau, ça peut tout changer. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَالْعَاقِلْ يَسْتَعْمِلُ مَعَ أَهْلِ زَمَانِهِ لُزُومْ بَعْثَ الْهَدَايَا بِمَا قَدْرَ عَلَيْهِ لِاسْتِجْلَابِ مَحَبَّتِهِمْ إِيَّاهِ وَيُفَارِقْ تَرْكَهُ مَخَافَةَ بُغْضِهِمْ. Ça c'est طيب كذلك. وبعضهم et ça se fait من زمان قديم حتى الهدايا avec quelque chose, avec quelqu'un tu crains son char. مثلا un voisin, tu sais qu'il est fatigant. Tu sais qu'il n'a pas de limite, tu sais que c'est un ignorant, tu sais qu'il peut te fatiguer. Tu le calmes avec hadiyya. Et ta niya, c'est que ça soit un bien pour lui. La'allahu, ça lui ouvre les yeux, la'allahu. Et anta, alhamdulillah, tu en profites. Tu en profites au jour et en même temps, tu arrives à calmer hada al-jahil. Ça, c'est important. Qala wa laqad anshadani al-abrash, hadaya al-nasi ba'dihim li-ba'd. تولد في قلوبهم الوصال وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوك المهابة والجلال. كلام جميل. أن الهدايا سين كوز دو محبة سين كوز دو pour renforcer les liens entre nous. قال مصائد أو مصائد للقلوب بغير بعث وتمنحك المحبة والجمال. أي نعم، مصائد للقلوب، مصائد للقلوب أي c'est une cause pour attirer les cœurs بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله الواجب على العاقل أن يستعمل. أما الإخوان qui nous écoutent dans Mixeller, la durée on est limité. تعلمون Mixeller quotidiennement on a une certaine limite de madrikam par jour et elle est bientôt terminée va. Et on a bientôt fini nahnu. Il reste quelques lignes, 2 ou 3 minutes là. Ceux qui veulent terminer là, ils basculent sur Telegram ou illa on propagera le cours. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت ويرضى بنفاذ القضاء ولا يتمنى ضد ما رزق وإن كان عنده الشيء التافه لا يجب أن يمتنع من بدله لاستحقاره واستقلاله. C'est ce qu'on a cité auparavant. Anna, même si pour toi ça n'a pas de valeur, enfin, ne pense pas que ça peut pas être un cadeau. Là, pour toi, ça n'a pas de valeur ou d'utilité. Pour un autre, ça peut avoir de l'utilité, même si ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça reste un cadeau. قال لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع ومن حقر شيئا منعه. Et ça, c'est من الشيطان. من حقر شيئا منعه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith قال أن لا تستحقر الشيء من الأعمال أو كما قال نسيت الله ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي ne minimise pas le bien. تحقير الخير c'est le minimiser. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. C'est un énorme خير. Même si pour nous, أحيانا on ne donne pas assez de valeur à هذا. Ça devient une habitude et rien, on ne voit pas l'énorme bienfait. Fa hakada huna man haqara shay'an man'a. Celui qui pense qu'une chose n'a pas de valeur, cette pensée va le pousser à ne pas agir. Qala bal yakun 'indahu al-kathratu wal-qilla fi al-halati siyan. Que ça soit beaucoup ou peu, beaucoup de valeur ou peu de valeur, fa le geste c'est le geste. Et là chacunna celui qui donne beaucoup, enfin, alhamdulillah, il peut être récompensé beaucoup plus par rapport à ce qu'il a donné. Lakin, alhamdulillah, c'est mieux que rien. Un m'a rien donné, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Un m'a le fait de donner, alhamdulillah. قال لأنما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. صحيح. أن qu'on donne beaucoup ou pas beaucoup, تقدم معنا أن الهدايا, le cadeau, c'est une source de mahabba, de renforcer les liens. Enfin, dans les deux cas, ça arrivera. Et ça peut arriver beaucoup plus avec des cadeaux de valeur. On est d'accord, Hada. Mais la kin, ça ne veut pas dire que dans l'autre cas, ça n'arrive pas. قال حدثنا عمر بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب عن الأصمعي قال دخلنا على كهمس العابد فجاء بإحدى عشرة بسرة حمراء. Donc, هذا العابد, il est venu avec 11 بصرات حمراء. البصرة c'est من النبات في شمس العلوم. قال ما ارتفع عن وجه الأرض قليلا ولم تطل. أي c'est une plante, peut-être une fleur, qui vient de pousser, qui vient de sortir de la terre. Elle est encore très très petite. فإن أنا كوبي 11 رحمة الله عليه فجاء بإحدى عشر بسرة حمراء فقال هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. Il a dit هذا c'est dans mes capacités, j'ai que ça, c'est ça qui est dans mes capacités, والله المستعان. Ce geste, il a été reconnu. Et ce geste, ولله الحمد, ça a été profitable pour lui. فلا تستحقر أو لا تحتقر من الخير شيئا. Tant que c'est du bien, c'est du bien. ولله الحمد. قال وأنشدني ابن زنجي. On peut citer le troisième vers فقط. لا تحقرن من الإحسان محقرة أحسن فعاقبة الإحسان حسنة. لا تحقرن من الإحسان محقرة. Ne minimise pas le bien. قال أحسن, fais du bien. فعاقبة الإحسان حسنى. كما قال عز وجل, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Si tu fais du bien, tu auras du bien en retour. Enfin, ne te prive pas. Ne te prive pas. الشيطان, on le répète, il essaiera de te faire croire en la telle chose, tu ne peux pas le donner en cadeau. Telle chose, ça ne se fait pas, c'est pas assez. تعلمون أن بعض الناس, خاصة quand c'est des mariages ou autres, et بعضهم للأسف, il y a comme de la concurrence entre eux. Si واحد il a fait un cadeau à 1000 dirhams, l'autre il doit en faire à 2000, il a آخر. نحن ne doit pas rentrer via هذا. Tu fais un cadeau, c'est Allah, عز وجل. Et il se prive beaucoup. Wallahi, بعضهم, ils ne répondent pas aux invitations. Alors que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a lu au départ, on n'a pas expliqué, lakin qal, ajibu da'i. Ajibu da'i, vous devez répondre aux invitations. Donc tu dois accepter les cadeaux, tu dois répondre aux invitations. Et al-ulama fassalu, et كثير من العلماء, c'est le qawl sahih, ils ont dit, an da'wa, quand tu es invité, il y a deux catégories. Il y a le mariage, pour un mariage, le walima, et il y a autre. L'invitation du mariage, c'est obligatoire de répondre. C'est comme le cadeau, sauf si c'est un mariage où il y a du haram, etc. Et tu ne peux pas enlever ce haram et ça peut te faire du mal. Fiyad al-hal, tu montres, tu t'excuses et tu n'y vas pas. Lakin, s'il n'y a pas de haram, c'est une obligation de répondre. Ta'lamoun anna al-ba'ad, ils ne vont pas, pour faire le lien entre les deux points, ils ne vont pas au mariage, limada, li'annahum, ils n'ont pas un cadeau de valeur. Ndourou shaitan, alors celui qui les a invités ne leur a jamais demandé un cadeau de valeur. Là, c'est mine shaitan, et c'est parce qu'il regarde les autres, et c'est cette ignorance, il se prive. Amma, tu offrirais quelque chose de minime à ton frère. Wallahi alhamd, il serait content, et tu es venu, tu as fait ton obligation. Yana, c'est mine hukuk al-muslim, comme a déjà fait le hadith al-akhar. Muslim, il a plusieurs hukuk, et parmi ses droits, les droits du muslim sur son frère, c'est de répondre à son invitation. Donc, هذه, c'est une base très très importante dans les bons comportements. On ne néglige pas le bien, même s'il est minime pour nous. Si c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et si on est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste quelque chose de azim, ça reste quelque chose de grand. هذا هو الله تعالى أعلم. Donc dans ce deuxième dors, on a lu deux chapitres qui sont liés, la générosité, thumma, sur le fait de l'interdiction de refuser les cadeaux. Et alhamdoulilah. Le prochain cours, on est dimanche, le prochain cours mardi, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته